Frères et sœurs, je vous invite comme chaque dimanche à être attentifs à la parole que le Seigneur veut mettre dans votre cœur au cours de cette célébration, à la retenir, à la noter peut-être ou dans un carnet ou sur un téléphone intelligent, et puis à la partager. Nous poursuivons et nous finissons ce soir notre série de fin d'été sur le thème de l'audace, audacieux. Pourquoi audacieux, souvenez-vous, parce que les textes des trois derniers dimanches et de ce dimanche nous font rencontrer dans l'Évangile des personnes particulièrement audacieuses. Et c'est donc l'occasion pour nous de redécouvrir une qualité du chrétien, une qualité qui est en tout cas à rendre plus chrétienne, l'audace. Il y a deux dimanches, nous avons rencontré cette femme cananéenne qui nous a montré une audace qui va au-delà de la peur de la différence, au-delà du conformisme. Une femme insistante qui se tourne vers un Dieu qui n'est même pas le sien, auquel elle ne croit pas. Pourtant, elle lui demande la guérison de sa fille. Et qu'avons-nous découvert? Eh bien, Jésus la prend au mot, touchée par sa confiance. Ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Dieu nous prend donc au mot. Et saint Pierre, un homme de parole, sait que Dieu le prend au mot. Et dimanche dernier, nous avons entendu cette parole audacieuse, cette profession de foi de saint Pierre qui reconnaît Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Si Saint-Pierre est un homme de parole, c'est donc un homme qui ne parle pas pour rien, il ne parle pas à vide, c'est un homme qui entend l'Esprit-Saint et qui a l'audace de dire ce que l'Esprit met dans son cœur, sans falsification, sans adaptation, avec toute l'audace que cela demande. Et son audace a été récompensée, vous vous souvenez, Jésus va lui donner cette mission, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». À l'audace de Pierre répond l'audace de Jésus. Il donne à un homme de devenir fondation, base de son Église, sur terre comme dans le ciel. Aujourd'hui, nous basculons sur un autre versant de l'Évangile de saint Matthieu. Il y a un mot que nous avons entendu au début de cet Évangile qui est tout simple, c'est « à partir de ce moment ». À partir de ce moment. Jésus va tenir un autre discours. Son propos va devenir plus grave, plus réaliste sur les choses à venir, moins brillant, moins extraordinaire. Jésus qui s'est montré aux foules dans un rôle glorieux, guérissant les malades, accomplissant des miracles, multipliant les pains, eh bien il va maintenant se consacrer à ses disciples. Il va adresser son enseignement à ses disciples. Et il va adresser un enseignement plus exigeant. Il va se révéler dans son rôle douloureux. Il fait donc basculer les disciples avec lui sur un versant moins ensoleillé, un peu plus sombre et donc un peu plus frette, comme on dit au Québec. Même si l'horizon lointain laisse entendre que ce versant ensoleillé reviendra plus tard. Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Un versant sombre donc, avant un versant inconnu qui s'appelle résurrection. Pour ceux qui font de la montagne, c'est comme si on venait de passer d'un versant sud doux et ensoleillé, à un versant nord, un peu plus froid, un peu plus humide. Alors Pierre, fort de son audace, confirmée par Jésus avec la mission qu'il lui a confiée, se met à faire de vifs reproches à Jésus. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Voilà donc comme un nouvel acte audacieux de saint Pierre. Mais est-il inspiré? À la réponse de Jésus, nous comprenons que non. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'audace de Saint-Pierre, sa deuxième audace, est une audace que l'on pourrait qualifier de diabolique. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur les mêmes tentations que celles que le diable avait susurrées à Jésus au désert. Et qu'est-ce qu'il voulait de Jésus, le malin ? Il voulait limiter la mission du Christ à une sorte de messianisme temporel et politique exclusivement, fait d'opulence, de gloire, de puissance humaine. Il voulait que Jésus reste sur le versant ensoleillé. Saint-Pierre aussi. Jésus est en train de passer sur le versant nord et Saint-Pierre freine. Ça le rebute, il s'y oppose et il détourne Jésus du chemin. Il le prend à part. Il y a là pour Saint-Pierre comme le refus que son sauveur et donc son salut puisse passer par l'épreuve, par la croix. Il est donc là, frères et sœurs, effectivement question du refus de la croix, du refus du versant nord dans nos vies. Dans ma propre histoire familiale, il m'est revenu un épisode douloureux de notre famille. Ma mère a 4 sœurs et lorsque mes grands-parents ont été en retraite, ils ont été accueillis dans le même village que celui de mes parents par une tante, une sœur de ma maman, qui les a accueillis dans un logement dans leur ferme. Et puis, il y a eu une histoire de famille, j'avoue que je ne l'ai jamais comprise, comme malheureusement trop souvent dans nos familles. Après plusieurs années, cette tante a voulu que mes grands-parents quittent ce logement. Elle a voulu le récupérer pour sa propre famille plus proche. Et mes grands-parents n'avaient pas d'autre lieu où aller. Alors, cette tante a commencé à faire des sortes de pressions pour les faire partir, des sortes de pressions qu'on n'a jamais vraiment compris, allant jusqu'à les insulter, à leur jeter des seaux d'eau, enfin des sortes d'histoires un peu rocambolesques. Ce qui fait que mes autres tantes, ma maman et ses 3 autres sœurs n'ont pas compris ces agissements, ni aucun de nous d'ailleurs. Et une rupture s'est installée dans la famille. Finalement, mes grands-parents ont dû déménager. Et moi, j'ai entendu cette histoire de famille, cette pauvre histoire de famille blessée. Et j'ai grandi en devant éviter cette tante et cet oncle qu'on voyait au village parce qu'ils étaient comme bannis de la famille. Et je me suis aperçu que pour mes parents, ça a été le début de l'abandon de la foi. Cette épreuve dans leur vie de famille a été comme le début d'une sorte de traversée du désert. Ils ont été moins souvent à l'église à ne plus y aller du tout. Ils en ont voulu à Dieu, mais dans le fond, ils ne se sont jamais rattachés à leur foi pour traverser cette épreuve. Leur foi n'était pas assez solide pour traverser ce versant et ils se sont laissés emporter dans le désespoir. Cette histoire que toutes nos familles ou une histoire semblable qui a pu blesser chacune de nos familles, on a tous des histoires similaires. Elle nous montre qu'on a tous des versants nord dans nos vies. Nous traversons tous ces versants, ils sont tous différents. Chacun a son propre versant à traverser. Blessure de famille, rupture conjugale, échec professionnel, une dépression, une maladie, une rupture sentimentale, ou bien même une persécution, une pression psychologique. Tous nous passons par des versants sur lesquels pourtant la Providence nous conduit. Et alors il y a toujours 2 possibilités pour nous. Nous mettre en travers de la route, comme Saint-Pierre. On prend le Seigneur à part et on lui dit « Non Seigneur, cela n'est pas la bonne route, cela ne peut pas se passer comme cela. » Et alors c'est comme une audace diabolique à nouveau, car elle dicte à Dieu ce qu'il doit faire. Elle dicte à Dieu ce que doit être notre vie et comment elle doit se dérouler. Elle dicte à Dieu comment il doit nous sauver par les moyens du monde. Ou bien il y a cette autre alternative, choisir de rester derrière Jésus ou de repasser derrière Jésus si on s'est mis devant lui. Accepter que nous n'avons pas les moyens de nous sauver de cette situation par nous-mêmes. Comprendre que cette croix m'est donnée comme un moyen de m'unir plus intimement à mon Sauveur et ainsi de me laisser sauver par lui. Cette croix que Jésus a déjà portée, cette croix qu'il a portée avant même qu'elle ne survienne dans ma vie. Là est l'audace vraiment chrétienne, une audace pleine d'humilité, celle qui ne se conforme pas sur le modèle, ce modèle que me dicte la société dans laquelle je suis, ce modèle qui me dit ce que doit être une vie réussie. Non, la vraie audace chrétienne, c'est celle qui ne prend pas pour modèle le monde présent, comme nous dit saint Paul. Saint Paul nous invite, transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Transformez-vous en vous renouvelant votre façon de penser. L'audace précisément chrétienne, c'est celle donc qui ne prend pas pour modèle le monde présent. Et effectivement, le monde présent nous laisse miroiter le versant sud, la facilité, le plaisir, la jouissance immédiate. Eh bien, c'est faux, parce que le versant sud éternel, ça s'appelait l'Éden, et il y a bien longtemps que nous n'y sommes plus. Nous devons reconnaître que le versant sud a été pollué, et que dans tout versant sud, il y a déjà du nord. Alors l'audace proprement chrétienne, c'est celle qui s'appuie sur ce modèle qui est proprement chrétien, qui vise à nous renouveler, à comprendre que le chemin d'humilité passe par des chemins de croix, par des épreuves, par une purification. Alors oui, cela nous fait peur. Oui, nous le redoutons pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons ensemble prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être audacieux, une audace pleine d'humilité, qui ne se rebelle pas, ou bien qui, si elle se rebelle, accepte de revenir derrière Jésus. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous ce soir. Tu connais les souffrances de nos vies, les blessures de nos cœurs. Tu connais les épreuves que nous rencontrons. Te demandons, Seigneur, la grâce de repasser derrière Jésus si nous nous sommes mis en travers de ce chemin. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, de te suivre, de te voir, de prendre la croix que tu nous offres sur cette route, de comprendre que le mystère de la croix est un mystère de vie. Tu nous redonnes la vie, Seigneur. Viens, Seigneur, par la puissance de ta résurrection, mettre cette lumière que nous attendons dans les épreuves de nos vies. Amen.